إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، إن الله عز وجل أسبغ على عباده مننا جليلة، وأعظم النعم وأعزها الهداية لهذا الدين، وبفضل منه سبحانه وتعالى اهتدى المهتدون، وبعدله ضل الضالون. قال سبحانه: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. والهداية أيها المسلمون منحة من الكريم، لا تسدى لكل أحد، ولا تتحقق بالآمال والأماني، وقد تتخلف مع وجود أسبابها. قال تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولا نجاة من العبد ولا الوصول إلى السعادة إلا بها، وهي أجل نعم، وهي أجل نعم أنعمنا الله بها، والواجب شكر الله عز وجل. قال تعالى: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وطلب الثبات على هذه الهداية من أخص أدعية الصالحين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولا سبيل إلى الجنة إلا بسلوك طريق الهداية. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ورأس الأدعية وأفضلها الدعاء بالهداية، فإنه يجمع صلاح العبد في الدين والدنيا والآخرة. وأمر المسلم أن يدعو ربه في كل صلاة بأن يمنحه الهداية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، لأن العبد إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب. Chers musulmans et musulmanes, Allah عز وجل nous a comblé de bienfaits immenses, et l'un de ses plus immenses bienfaits, et l'un des plus méritoires, et le fait qu'Allah Azza wa Jal nous ait guidés dans sa religion droite qui est l'islam. Et c'est par la faveur d'Allah Azza wa Jal que sont guidés ceux qui sont guidés. Et c'est par sa justice subhanahu wa ta'ala que sont égarés les égareurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens: il guide une partie, tandis qu'une autre partie a mérité l'égarement, parce qu'ils ont pris au lieu d'Allah des diables pour alliés. La guider est donc un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce bienfait n'est pas accordé à tout le monde. Et ce bienfait de la guider n'est pas obtenu par des espérances ou par le simple fait d'en faire la demande. Il y a de nombreuses causes qui permettent aux musulmans de bénéficier de la guider et d'emprunter le droit chemin. Allah Azza wa Jal dit selon le sens: c'est au contraire une faveur dont Allah vous a comblé en vous dirigeant vers la foi. Et il n'y a aucune possibilité de se sauver du châtiment, d'être épargné du feu de l'enfer. Et il n'y a d'autre issue pour connaître le bonheur qu'à travers cette guidée. C'est donc un immense bienfait par lequel Allah Azza wa Jal nous comble, et nous devons faire preuve de reconnaissance envers notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il dit Azza wa Jal selon le sens: et invoquez-le comme il vous a montré la bonne voie alors qu'auparavant vous étiez du nombre des égarés. Et le fait de demander à Allah Azzawajal de nous raffermir sur le droit chemin après qu'il nous ait guidés fait partie des invocations les plus méritoires. Allah Azzawajal cite l'invocation de ces vertueux lorsqu'ils ont dit, selon le sens, ô Allah, ne détourne pas nos cœurs après que tu nous aies guidés et accorde-nous et fais-nous don de ta part d'une miséricorde, car tu es le grand donateur. Il n'y a donc pas moyen d'atteindre le paradis si ce n'est en empruntant la voie de la guidée. Il dit subhanahu wa ta'ala, et ils ont dit louange à Allah qui nous a guidés vers ceci, c'est-à-dire vers le droit chemin, et nous ne serions guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Et l'une des invocations les plus méritoires est le fait de demander à Allah Azza wa Jalla la guider. Car dans la guider, il y a le bien du serviteur dans sa religion, dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Ainsi Allah Azza wa Jalla nous ordonne dans chaque prière, dans chaque unité de prière, de l'invoquer subhanahu wa ta'ala et de lui demander de nous guider sur le droit chemin. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, l'invocation la plus méritoire, la plus immense, est l'invocation présente dans Sourate al-Fatiha. Ô Allah, guide-nous vers le droit chemin. Car le musulman a plus besoin de la guider qu'il n'a besoin de boire et de manger. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالدعاء بالهداية. يقول علي رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني, رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به, رواه الترمذي. ومن دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم اهدني ويسر الهدى لي. ولعظم شأنها لم يخل قوم من هاد ونذير وداع إليها. قال سبحانه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وفتح القلوب بيد الله عز وجل, لا للخلق منها شيء سوى بذل الأسباب. قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والجليس الصالح خير عون للهداية, يذكرك إذا نسيت ويعينك إذا غفلت, ولا تسمع منه إلا قولا طيبا وفعلا حسنا. وللجليس تأثير على الدين والسلوك والأدب والأخلاق, والمرء يعرف بمجالسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وكذلك قرين السوء يدعوك إلى البعد عن الطاعات ويزين لك السيئات, ضرره متجدد في صور شتى. حذر الإسلام من مصاحبته ومن مجالسته, لذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بنافخ الكير الذي ينالك أذاه على كل حال. رفيق السوء صحبته حسرة في الدنيا وندامة في الآخرة. قال الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا, لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait à ses compagnons d'invoquer Allah Azza wa Jalla guidé. Ainsi Ali radiallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, c'est-à-dire dit au Ali, ô Allah, guide-moi et raffermis-moi dans la guidée. Et il a dit à Muawiyah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Muawiyah, ô Allah, fais de lui une personne guidée, une personne qui guide et par laquelle les gens sont guidés. Et parmi les invocations du prophète alayhi salatu wa sallam, il disait, ô Allah, guide-moi et facilite-moi à la guider. Parce que la guidée est une chose importante et immense. Chaque peuple a reçu un avertisseur et une personne qui les a appelés à la guidée. Il dit subhanahu wa ta'ala, en s'adressant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Tu n'es qu'un avertisseur et à chaque peuple un guide. » Le fait de guider les cœurs est un pouvoir détenu par Allah subhanahu wa ta'ala seul. Les créatures n'ont dans la guidée des cœurs aucun moyen et aucune part, si ce n'est de mettre en œuvre les causes. Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu ne guides pas qui tu veux, mais Allah guide qui il veut. Sachez également, chers musulmans et musulmanes, que la bonne compagnie aide à rester sur le droit chemin. Un ami vertueux et pieux te rappellera, te fera le rappel lorsque tu oublies, te fera le rappel lorsque tu oublieras. Il t'aidera lorsque tu seras insouciant et tu n'entendras de cet ami pieux et vertueux que des bonnes paroles et tu ne verras de lui que des adorations à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait donc d'avoir des amis a inéluctablement un effet sur ta religion, sur ton comportement. Et la personne, l'on la connaît de par ses amis et des personnes qu'elle côtoie. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, la personne est conforme à la religion de son ami. Que l'un d'entre vous regarde bien avec qui il lie amitié. Également, la mauvaise compagnie, les mauvais amis vont appeler, chers musulmans et musulmanes, à t'éloigner de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Ces mauvais amis vont embellir les péchés et les désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. Les méfaits du mauvais ami sont aussi nombreux et variés. L'islam nous a donc mis en garde contre le fait d'être en mauvaise compagnie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé celui qui a un mauvais ami comme celui qui se rend chez le chaudronnier. Il en sortira en étant imprégné de ce chaudronnier, soit par des émanations de flammes qui brûlent tes vêtements, ou soit tu sortiras de chez ce chaudronnier en ayant tes vêtements imprégnés d'une mauvaise odeur. La mauvaise compagnie sera un regret dans cette vie d'ici-bas, sera un regret dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Allah Azza wa Jal dit son le sens, le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira, hélas pour moi, si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager, malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas un tel pour ami, il m'a en effet égaré loin du rappel après qu'il me soit parvenu et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. وتطهير القلب من أدران القوادح والحفاظ عليه من تلويثه بالشبهات أو تدنيسه بالشهوات من أسباب الهداية والنفس طامعة إذا طمعتها منتهية إذا نهيتها فألجمها بلجام الأوامر والنواهي وابتعد عن أسباب الفتن فإن المقاربة منها محنة لا يكاد صاحبها ينجو منها. واعلموا أيها المسلمون أن الإكثار من الطاعات من وسائل الثبات على الدين ومن أسباب حفظ الله لعباده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. وكان أفاضل البشر هم القدوة في التعبد. قال سبحانه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وكان سلف هذه الأمة يكثرون من التعبد لله. قال ابن كثير عن الإمام ابن القيم رحمهما الله ولا أعرف من أهل العلم في زماننا أكثر عبادة منه. وكذلك كتاب رب العالمين منار الهدى والصلاح إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. والمداومة على تلاوته حفظ بإذن الله من الشرور والفتن، وحصن من الشبهات والشهوات، وزيارة المقابر للعظة والعبرة سنة قائمة تذكر بالآخرة، وتعين على الاستقامة على أمر الله، والبعد عن المعاصي، وعن الاغترار بالأمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. فتدرع أيها المسلم إلى ربك في يومك وليلتك بأن يجعلك من عباده الصالحين. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que fait partie des moyens qui permettent d'être ferme et raffermi dans la droiture et dans la guidée, le fait de beaucoup obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Car plus tu obéis à Allah azza wa jal, et plus Allah azza wa jal te préserve. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: préserve Allah, il te préservera. Préserve Allah, c'est-à-dire préserve les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ne transgresse en aucun cas les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracées. Préserve Allah en obéissant à ses ordres et en délaissant ses interdits, et ainsi Allah azza wa jal te préservera. Et sachez que les élites de cette communauté étaient des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils adoraient Allah azza wa jal avec ferveur et dévouement. Ainsi Ibrahim alayhi salam, Allah azza wa jal a décrit en disant, selon le sens: Ibrahim est un guide parfait, soumis à Allah, voué exclusivement à lui. Il ne faisait pas partie des polythéistes. Et ainsi également étaient les pieux prédécesseurs de cette communauté. L'imam ibn Kathir rahimahullah a dit au sujet de l'imam ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala: et je ne connais personne parmi les gens de science de notre époque qui adore plus Allah que lui. En parlant de l'imam ibn al-Qayyim, le livre d'Allah azza wa jal, le livre du Seigneur des mondes, et la lanterne de la guidée. Allah azza wa jal dit, selon le sens: ce Coran guide vers ce qu'il y a de mieux et annonce la bonne nouvelle aux croyants, à ceux qui œuvrent et qui font des œuvres pieuses, qu'ils auront une immense récompense. Le fait donc de lire le Coran de façon continuelle et de façon perpétuelle, eh bien, à travers cette lecture, Allah Azza wa Jal te préservera de tout mal, et Allah Azza wa Jal te protégera à la fois des ambiguïtés et des tentations. Également, le fait de visiter les tombes permet aux musulmans de se remémorer l'au-delà, et permet aux musulmans d'être fermes sur le droit chemin, de s'éloigner des péchés, et permet également aux musulmans de ne plus être victimes, de l'amel, de l'espérance, c'est-à-dire d'espérer être guidé le lendemain ou le surlendemain, ou d'espérer vivre un jour dans lequel l'on retournera et l'on se soumettra entièrement à Allah Azza wa Jal. Et cette personne ne cesse de repousser, ne cesse de retarder ce moment où il se doit de marquer un arrêt sur le passé trouble qu'il a eu, et de enfin ouvrir une nouvelle page pour adorer Allah Azza wa Jal comme il se doit. Il ne cesse de reporter cela jour après jour, jusqu'à ce qu'il soit surpris par la mort qui le frappe. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: visitez les cimetières, car ils vous rappellent l'au-delà. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، وإذا رأيت أهل العصيان هم الأكثر عددا في الأرض، فلا يثنيك ذلك على التمسك بهذا الدين. فسنة الله عز وجل قضت أن أهل الفسوق والمعاصي هم أكثر عددا ممن يطيع الرحمن. قال سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وانظر إلى الحق ولا تنظر إلى العدد. فالله عز وجل وصف إبراهيم عليه السلام بأنه أمة هو وحده. ومنة الله عليك بالصلاح مع ضلال كثير من الخلق مما يزيدك هداية في نفسك ويحملك على دعوة غيرك إلى الطريق المستقيم. وسنة الله عز وجل في هذه الحياة ابتلاء من تمسك بهذا الدين لتمحيص الصادق في الاستقامة. قال تعالى: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولقد سخر الكفار من رسل الله إليهم قال سبحانه: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وكل رسول يبعث ويبهت بالسحر ويرمى بالجنون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سخر منهم أهل النفاق، وإذا مروا بهم يتغامزون. فمن استهزأ باستقامتك فتلك منقبة لك، رميت بما رمي به خير البشر، وتلك بشرى صدق في الاستقامة. والساخر في عمق نفسه يتمنى الهداية ولكنه لا يملكها. قال الله تعالى عن أهل الضلال: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ومن سخر منك فتحلى بما اتصف به الأنبياء من الصبر. قال الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. في سشيشة مسلمان مسلمان que lorsque vous voyez la grande quantité de gens qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, et que ceux qui désobéissent à Allah azawajal sont malheureusement ceux qui peuplent le plus la terre, que cela ne doit pas, chers musulmans et musulmanes, ne doit pas te faire dévier ou te faire baisser de ta motivation dans ta fermeté et dans ton application de ta religion. Car ainsi l'a voulu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a voulu ainsi que les gens de la perversité, que les gens qui désobéissent à Allah azza wa jalla soient plus nombreux que ceux qui obéissent au tout miséricordieux. Il dit subhanahu wa ta'ala: et beaucoup de gens sont pervers. Regardons, chers musulmans et musulmanes, regardons la vérité et ne regardons en aucun cas le grand nombre de personnes qu'il y a devant toi. Allah Azza wa Jal a qualifié Ibrahim alayhi salam comme étant une seule et même communauté à lui seul. Et parmi les bienfaits dont Allah Azza wa Jal te comble, c'est le fait qu'il t'ait comblé par la guider malgré que beaucoup de gens soient égarés. Et le fait que tu fasses partie de cette minorité, qu'Allah Azza wa Jal a guidé sur le droit chemin, cela doit faire augmenter ton attachement à ta religion, et cela doit t'amener à appeler les gens à emprunter le droit chemin. Sachez également que cette vie d'ici-bas est une vie d'épreuve, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse différencier entre le véridique et le mensonger. Il dit subhanahu wa ta'ala: et nous avons éprouvé ceux qui étaient avant eux, ainsi Allah azza wa jal saura ceux parmi eux qui auront été véridiques et ceux qui auront été mensongers. Et sachez également, chers musulmans et musulmanes, que les non-musulmans se sont moqués des prophètes d'Allah Azzawajal qui leur ont été envoyés. Allah Azzawajal s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le soutenir et pour le réconforter lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala son le sens et l'on s'est moqué des prophètes avant toi. Leur propre raillerie les enveloppera. Et tout prophète envoyé à son peuple a été calomnié, a été traité de sorcier et a été traité de fou. Il dit subhanahu wa ta'ala, et ainsi étaient ceux qui étaient avant eux. Lorsqu'un prophète leur venait, il disait, c'est un sorcier ou un fou. Également, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont subi les moqueries des hypocrites, comme le dit Allah Azzawajal sur le sens, et passant près d'eux, ils se faisaient des œillades. Lorsque les musulmans passaient à proximité des hypocrites, les hypocrites se faisaient des œillades les uns les autres, en guise de moquerie sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Sache donc, chers musulmans et musulmanes, que ceux qui se moquent de toi, que ceux qui se moquent de ta barbe, que ceux qui se moquent de ton jilbab, de ceux qui se moquent de ton pantalon que tu as levé au-dessus de la cheville, de ceux qui se moquent de toi, ô ma sœur, qui porte le niqab ou le sitar, ceux qui se moquent de vous, chers musulmans et musulmanes, parce que vous ne faites qu'appliquer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, sachez que cela est un mérite pour vous. Car l'on se moque de vous comme l'on s'est moqué des meilleurs êtres humains sur cette terre. Et ceci est une preuve et une marque de votre véracité dans le droit chemin. Et ceux qui se moquent, notamment parmi les non-musulmans, espèrent dans le fin fond de leur personne, espèrent être guidés, mais n'en ont pas les moyens. Comme le dit subhanahu wa ta'ala sur le sens, les mécréants voudraient avoir été musulmans, notamment le jour du jugement. Ainsi, lorsque tu es victime de moquerie, lorsque tu es victime de raillerie, eh bien, agis comme ont agi les prophètes avant toi et fais preuve de patience et d'endurance, comme l'a dit Allah Azzawajal, et patiente comme ont patienté les élites après avant toi parmi les prophètes d'Allah. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين ونسأله عز وجل أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.